100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne juste après Difool. 100% rap français. Ils sont là, ils ont débarqué. Le XV Barbare, comment ça va, messieurs? Ouais, on est là. Avec un projet qui arrive là le 1er décembre. Ouais, c'est lundi dans les bacs. Comment ça va? Ça va, tranquille. Bah écoute, en pleine forme, ravi de vous recevoir. Aïe, aïe, aïe. Le XV Barbare, que j'ai connu aussi avec Ice MC, quand vous étiez venu dans son Planète Rap. Bourbier, c'était Bourbier. Bon, et là, donc il y a un projet le 1er décembre qui arrive. On peut le précommander déjà aussi, on peut y aller, on peut cliquer. Ouais, écoute, il est encore disponible sur internet, xvbarbare.com, mixtape téléchargeable sur toutes les plateformes. Cliquez. Bon, qui nous dit un mot sur le XV Barbare, l'historique du XV Barbare et qui fait partie du XV Barbare? Ben écoute, le XV Barbare, c'est un groupe de MC qui sont venus pour kicker, représenter un peu les quartiers nord du 17ème, t'as vu? D'où le nom XV? Gino. XV Barbare, c'est un petit jeu de mots avec XV2, tu vois. XV et 2 bars, ça fait barbare, petit donc jeu de 17ème mots. Barbare. Ouais, 17ème barbare, tu connais. Aïe, aïe, aïe. Et donc, alors, et qui compose le XV Barbare alors? Qui compose le XV Barbare? Ben déjà, il y a moi, il y a Lesso, ADK, Chebé. Escro, aka The S, Bispa, Black Demon, Mess, et Lion. La petite voix R&B du groupe, tu connais. Ça vous fait rire en plus. Mais c'est pas du R&B doux, poto. Tout le temps dans la violence. Ah bah là, je pense qu'on va en avoir un bon aperçu, puisqu'on va débuter maintenant avec un extrait donc du EP qui sort lundi 1er décembre. 1er décembre. Vous êtes prêts en attaque, les gars? Vas-y, y'a pas de soucis, c'est parti, Fredo. C'est la nocturne spéciale XV Barbare au contrôle. XV2 bar. Ok, pour tous les barbares. De bar, pour tous les barbares. Les chacals. Si. Insta animal. Insta animal, 1er décembre. 1er décembre. Toujours en mode gars de bâtard. Prépoursible. Ce soir c'est dommage, c'est toi la victime. C'est toi la victime. Mes gars t'attendaient, au fond tu savais. Au fond tu savais. Yves. Namais, repose en paix. Placard. Rafale de balle. De la peuf. Oji, casse ça, fume la Oji, kush. Parle pas trop avec mes gars ou ça sort le gun. Original gangster. Original gangster. Ne t'approche pas trop, tu pourrais te prendre une. Dans ma tête, c'est Al-Qaïda. Digo, j'ai pété mon coin. Inspire-toi, mais copie pas. Et si je le pécho, je le bute, ne vous étonnez pas. T'es qui? Non, je connais pas. Si je dû te cracher dans la bouche, c'est que ça collait pas. J'ai l'adresse où le colis passe. Mili dans le sac, on prend le cash, on est ton polygon. Parle-moi minimum pour un bloc. Rien que c'est les parmi que des flocs. Que des allers-retours, ta cabine au bloc. Et puis quand j'ai du temps, j'ai nettoie mon bloc. Y'a des bits, on est 10. Y'a un brouille, on est sain. On est sain. Là tu kiffes quand tu j'tiffes. Moi je kiffe le beat, donc je kiffe quand j'la vends. Bitch. Pris pour cible, à tes risques et périls. Tu le sais pas encore, mais sous le nez de Bandit Bleach. Je pensais que la strip était aussi facile. Facile à dire, mais moi à faire, demande à toute l'équipe. Une histoire de bif, une histoire de shot. Un défaut de vie, sinon bruit de regard. De toute façon, on s'en fout, c'est juste pour le fight. Appelez-vous enfin comme Jack Knight. I got a big rave, mais t'as mal aussi. On les compte même plus les allers-retours devant madame la juge. T'es dans le collimateur ce soir, en bâtard t'es pris pour cible. Dans tous les quartiers de France, il y a des barbares, c'est sûr. Pris pour cible. Ce soir c'est dommage, c'est toi la victime. C'est toi la victime. Mes gars t'attendaient, au fond tu savais. Au fond tu savais. Ivré, navré, repose en paix. Rafale de balle, de la peuf. Oji, casse, fume la Oji, cache. Parle pas trop avec mes gars ou ça sort le gun. Original gangster. Original gangster. N'approche pas trop, tu voudrais te prendre une balle. Tu flippes, dès quand tu me vois, tu sais que t'es prêt pour cible. Du bif, tu dois négron, visqué, Oji, car impossible. Et tu kiffes quand je te mets des coups de crotte dans ta sale face de pite. Et je me tire en boulette, c'est pour bien belle ça sans les flics. Tu t'es fait amender, écrase-moi en tête, toi te sois vacillé à terre. Pas besoin de trop parler, il veut barbare, t'as capté, t'as déjà compris le thème. Avec mes Audi de la petit Rouana, Jinan, seulement je suis foncé, je vais sur le canal. Gros son énervé dans l'Audi A4, la nuit chaud au passage, toi t'es sur plus canal. Pas de plan B bouquet. Obligé d'improviser pour me sortir de ce guépier. J'ai plusieurs solutions, mais qu'un seul choix. Le 1er décembre, enfoiré, va te recharger ça, mon gars. 16 décembre, concert. XV, barba. Si jamais t'es pris pour si par la main de ma team, Facebook, on fait barbare officiel. Tes chances de survie ne sont pas garanties. Vu que le temps c'est de l'argent, je peux plus me permettre d'en perdre. Je veux la ville à le pas la vie de Tony. Pisse pas, pisse pas, pisse pas. Oui, oui, oui. On brasse comme le Qatar, pris pour cible en dingue, on s'en va en Jaguar. Je sais que ma drogue, tu la sniffes. Pas besoin de venir pêcher, de dire que c'est pour un tel ou un tel. Je dirais que la justice me force à vendre la mort. T'as de la frappe qui se tord, mais bizarrement, je crois qu'il y a que toi qui es sous l'emprise. Des mecs se font à rouge par des mecs, mais nous les meufs on les tartane. On les tartane. J'ai le confort d'un pacha et ma taille de pique est posée sur la table. Pris pour cible, ce soir c'est dommage, c'est toi la victime. Franchement, c'est toi la victime. Mes gars t'attendaient, au fond tu savais. Au fond tu savais. Ivry, navé, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Rafale de balle, rafale de balle, rafale de balle, rafale de balle. De la peuf, de la peuf. Oji Kassa, fume la Oji Cash. Fume la Oji Cash. Pas trop avec mes gars où ça sort le gun. Original gangster. Original, original gangster. Instant animal. Gangster. Pas trop, tu voudrais te en une. L'ambiance est dans le motel, X ça remet les petites frappes. Y'en a veut pour les motels. Trop vénère sur le poster, je te passe pas le pochetard. Ouais, si tu prends la grosse tête. Y'a pas mal de Loki dans les bagages que de passage. Moi je fuck le douanier. Instant animal. Grosse équipe de gorilles dans les parages, t'as pas l'âge pour nettoyer le poignet. C'est chaque fois que d'aboyer. À part ça, va te faire encaisser ton pari, Barça. Les barbares sont toujours en place, personne ne remplace. Et dans l'ensemble, c'est que du Darça. Va chanter, je veux les couilles en or. Faut que tu puisses l'imiter. Mais pourquoi nous imiter? Vous nous guetter plus tard, sans elle nous féliciter. Comme une balle sortie du canon, si y'est bâtard, tu nous vois pas venir. Combien rêve-t-il de me voir mort dans le film? Dis-moi combien veulent me finir. Veulent me finir. Bang bang. Tous les MC sont têtes de Beckenbauer. Beckenbauer. Venez découper les têtes, ouais, j'y mets le fire. Ici c'est Paname Nord. Tu sais d'où viennent les types qui remontent le score. Qui remontent le score. Ouais, t'as pris l'angle mort, nous c'est triangle d'or. C'est triangle d'or. C'est bientôt la fin du monde. Alors les MC, je préfère vous dire tout soir. Je suis en force, je navigue en force. Dans le coffre, leur cadavre qui se trempe. Pris pour cible. Pris pour cible. Ce soir c'est dommage, c'est toi la victime. C'est toi la victime. Mes gars t'attendaient, au fond tu le savais. Au fond tu le savais. Au père, repose en père, repose en père. Rafale de balle, rafale de balle, rafale de balle, rafale de balle. De la peuf. Oji Kassa, fume la Oji Cash. Oji Cash. Parle pas trop avec mes gars ou ça sort le gun. Sort le gun. Original gangster. Original, original gangster. Rap. Mais pour pas trop, tu pourrais te prendre une balle. Aïe aïe aïe. Planète. Aïe aïe aïe aïe aïe. Pour son explicite. Sors ton là, blunt, quoi, les gars. Tu vas pas dormir ce soir, Manuel. Sors lui, putain de blunt. Sors le putain de quel blunt. Écoutez bien ça. J'suis dans ma blunt, j'suis dans ma blunt. Blunt, blunt, blunt. J'suis dans la blunt, je fume ma blunt. Fume ma blunt, blunt. Les microbes du JK, roulant stun. Roulant stun, roulant stun. Même sous sa drink, coffre la skin. Coffre la skin, coffre la skin. Prêt, vous êtes sur le gun. Mon blunt dans la bouche comme d'hab, c'est le esqui. La la la. Fuck, lâche ta gueule, mets les gants à ta baronda. Ils te doivent des sous et des sous. Et du coup tu mets les la la la. Mets plus ton blé, mets de la skank. Prends ton skank, va les la la la. Venez voir le L, come on. Moi j'ai de la S, c'est de la S. Lemon, quand si tu fais ta tour de baisse. Lemon, partez, on te laisse. Lemon, le visage en sang. Le visage en sang. Le sourire sans dents. Le sourire sans dents. J'ai les armes blanches, j'ai les armes à feu. T'as le drapeau blanc. Tu me connais d'avance, ça pas changé. Quoi de neuf depuis la cour de récré? Insta animal, je sors des tranchées. Je vais te chécrer dans la trachée. Gros rebu des moyens, oui. Salerie pour nous d'avant, y est gris. On taille gris, on taille gris. Gras bleu, vert, rouge, jaune, mauvais gris. Jaune, mauvais gris, jaune, mauvais gris. Jacques Damien, toi tu dégris. Blé, blé, dans la planque, je fume un blé. Fume un blé. Le micro du JK, roulant stun. Roulant stun, roulant stun. Même sous sa drink, coffre la skank. Coffre la skank, coffre la skank. Prends les fenêtres sans le gun. Sans le gun. Ici c'est le X, le 275. Sale pute, j'fais le taf propre et je le laisse pas dans le crâne. Quand tu bats le temps, donc tu portes le blanc. J'arrive dans le rap, déteste, ça te plaît. J'te l'ai déjà dit. non. Visage assombri sous la capuche. Oui, oui. J'éclame mon bleu quand t'es dans la blanche. Je tronche les ongles, moi j'suis dans la plante. La balle me fait, pas de passe à rater. J'ai plus de la potion, j'ai l'aspirale à rater. Je m'en bats les couilles, je suis un célibataire ou bien rabatteur. Pour aller niquer ta paix, j'vais lui faire un cratère. Allumer les barbelles, Jack et Daniel, pour qu'on se désaltère. Y'a des rappeurs, de la merde sous mes semelles. Du buzz, toutes tes semelles, des missions tous les quarts d'heure. Enfoiré, enfoiré, franchement. Oh le sale, levé, volver. Enlève, enlève, mais fais ça, mon revolver. Je m'en branle de toi et de tout ta clique refait. Ensemble, la coupe, on est venu tous la relever. Je suis dans la planque, je fume un blé. Le micro du JK, roulant step, roulant step, roulant step. Même sous Zadré, comme flasque, comme flasque. Parlez peut-être sans le gueule, sans le gueule. Déclare forfait pour toi, navré, navré, navré, navré. Pour les tibets, je suis obligé de kicker, kicker, kicker, kicker. S'il y a un bourbier, je suis impliqué. Allez, retour, je veux pas me faire péter. C'est blague des homemakers, chez nous pas de make-up, tu dors plus que Michael. J'bois de la cépiniline avec mon gars, pendant toi tu fais ton gueule. J'ai beaucoup d'ennemis, ils aboient seulement, ils sont bons qu'à ouvrir leur gueule. Sans me hache, je te bête, je te fume, c'est sur ces directions chacun. Moi je bricote, toi tu prends, toi tu prends. Moi t'apprends, plus possible des prix. Quand y'a les petits, c'est moi le grand. C'est moi le grand. Quand y'a les grands, je mets des assises, je fume mon blunt. Pose des soucis, puis tu pourras te croire dans le bois. Plutôt un grand verre de lit. Suguse-moi grâce à le biquit. Pas de moi taille, coup de fusil c'est comme mes dix. Bleu, j'suis dans la planque, je fume un bleu. Bleu, bleu, le micro du JK, roulant stun. Roulant stun, roulant stun. Même sous Zadré, coffre la skull. Coffre la skull, coffre la skull. Parlez peut-être sans le gueule. Sans le gueule. J'suis dans la planque, je fume un bleu. Le micro du JK, roulant stun. Roulant stun, même sous Zadré, coffre la skull. Coffre la skull. Parlez peut-être sans le gueule. Sans le gueule. Rock, je fume un blunt. Fume un blunt. J'suis un Skyrock, je fume un blunt. Mon blunt. J'suis un Skyrock, je fume un blunt. Putain de blunt. Putain de blunt. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Animal enfoiré. Aïe aïe aïe. C'est la nocturne. Ah, et vous ouais. L'entendez, ils sont en forme, XV Barbara. Hein. Aïe aïe aïe, tu connais la toujours en forme. Hein. Extrait, extrait du EP là, qui sort donc. Dans le, verre. Le 1er décembre, Instinct Animal. Ouais, ouais, ouais. Monte à bord. Allez, téléchargez. Et alors, le morceau avec Michael Onever, c'est pris pour cible, c'est ça, hein? Ouais, et il y a ouais. Le clip qui arrive. Ouais, qui arrive ouais, là. Exactement. Ouais, il est arrivé, gars, à 18h, je crois. Il arrive à 18h. Ouais. Voilà. Allez le voir, hein. Lourd, lourd. Allez cliquer. Allez, allez voir, 18h, pour ceux qui l'ont toujours pas vu. Pour découvrir XV Barbara en image, le clip de pris pour cible. Et alors, j'ai entendu qu'il y avait un concert, c'est ça, le 16 décembre? Ouais, c'est ça, concert à l'international, rue Moret. Soyez présents, c'est gratuit. C'est gratos. Pendant au maximum, hein. C'est gratuit, au volant. Donc, concert gratos. Ouais, bah ouais. On dort pas au volant. À Paris. Sous la nocturne. À Paris, dans le 11ème, ouais, c'est dans ça. Dans le 11ème, pour ouais. Retrouver le XV Barbare ouais. En live. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ce soir, ils sont avec nous dans la nocturne, 100% rap français. On va repartir sur un autre morceau. Ouais, allez, c'est parti. Allez, hein. C'est parti. Balance ça, mon gars. Fredo, aïe, aïe, aïe. Fais tourner la dope. Fais tourner la dope en direct de Sky. Fais tourner la dope en direct de Sky. Je fais tourner la dope. Il suffit que je te regarde et tu te mets assis par ces blagues dès qu'il te parle, vas-y vas-y arrête. La revue du bicard, faut de boulot qui taille, je suis au courant du place, j'appuie sur la gâchette. J'rappe depuis quelques mois et je vous kick tous. La dope est planquée dans le coffre du V12. Mon gars, t'a fait tourner la grigouche, j'ai dans mon foie. T'as pécho à la chefou. C'est moi je dis que je suis dans la kitchen, mais en fait les gars, rien que je cours. Rien que je PS en fait sortez les guns quand je te vois, rien que tu cours. Rien que je mange du chicken, je suis dans la kitchen, mais en fait les gars, rien que je cours. PS en fait sortez les guns quand je te vois, rien que tu cours. H31 dans ce foin, dans ce foin. Quelle petite pute me guette et me piste du doigt. De du doigt. Tous mes ennemis, mon blas, c'est du blanc, c'est du blanc. Le taille des la journée, j'ai déjà petit pas. Petit pas. Recherche le nugget, fermez vos legueux, c'est blague d'équipage. D'équipage. Je connais des négros, non, je connais pas de négro. Qui est-ce qui les balle? Bang, les balles. Bang, bang. H31 dans ce foin, dans ce foin. H31 dans le soir. J'suis comme une planète, Igo, j'ai besoin d'espace. Mando pour ton base, Igo, t'es de la baie si t'as franchi la base. Je te servirai d'état, c'est le cas où tu gazes. Pris angle d'or, on a voulu nous mettre sous embargo. Désormais, ça nous suffit plus de survivre. On veut le magot. Y'a du shit, de la weed, de la C et puis de l'héro. Pirate de l'île, j'ai guéla, Jack Sparrow. Le club dans la capitale, sont devenus barreaux. C'était Chico Zero, Igo, je sais que tu connais la suite du numéro. Mayday, mayday, où sont tous mes négros? Calme, zen, j'garde mon humilité. XBBB, c'est j'ai l'humilité. OP, que les débuts d'une épopée. Le cœur près des coups, j'ai du calé, mon bébé. Je vais dans le rue de la cité comme la bopée. T'as voté chez 4, dans tous les cas, je vais te choper. Tout toi et ton style barre. XBBB, retourne la balle. Garde une base, ton son gars ou des barres. J'ai la cible à bouger, Daou M. Barak. Daou M. Barak, Barak, Barak. Recherche le gueux, permets-vous le gueux. C'est le S qui parle. J'connais des négros, non j'connais pas des gros. Qui esquive les balles, mes balles. Ok. H31 dans le squat, dans le squat. Bang bang, ok. H31 dans le squat. Tu gagnes vous pas, pour que des coups pas. Que des barbares, viens trouver ton coupable. Fais tourner la dope, j'ai chargé la go. Tu parles de go, fin tu connais rien, Igo. Parle-moi les détails, j'ai des vues sur les comptes. Si ça parle en chine, tu veux m'appeler le nom. X des barbares, PS, auteur, on fait de l'ombre. C'est une genre d'ambiance, vas-y, rentre dans le triangle. Bam, bam. C'est lâché, ici le mal est dehors, on va qu'il est gâché. Qu'il est gâché, mais dans ton dos saché. Tous les cas tu dois pas dire où tu l'as acheté. Posé au cœur, mets ta visière même si les bords observent. Pour le cash, pour y penser. Trop de fumée, j'accumule dans mon putain de vos serres. Et quand ça me plaît, je me sers. Bitch, on reprend du service. Va manquer des slips, on figure sur ta blacklist. Face à ma clique de FB, tu vas sentir les douilles. Dès que la forfait en tissu. Face à ma clique de FB, tu vas sentir les douilles. Dès que la forfait en tissu. Je vais. Recharge les nugues, fermez vos lugues, c'est Chebé qui parle. Je connais des négros, non je connais pas de négros. Qui esquive les balles, les balles. H31 dans le square. Dans le square, dans le square, ok. H31 dans le square. H31 dans le square, je sais où tu es. T'inquiète même pas, je sais qui tu es. Pisse pas, brise quoi, je suis pas pisse. Mais ne t'en fais pas, je sais qui tu es. Si t'entends papa, on est encore papa. De ma part, c'est que deux personnes ont s'écoulé. Ne prends pas de retard, ne prends pas de retard. C'est un animal, la machine est lancée. Bam, bam, bam. Ce n'est pas le danger qui me suit. C'est moi qui choisis le guide. La balle se dirige vers ta poitrine. Si tu parles mal à mon gars, va blaguer. Comme un décas, c'est toujours du bon taf. Accompagné de mon gars, va chouer. Sombre et ma zone comme Jack, mais je veux ta gueule. Joue le thug, bend là pour t'arroser. Ce soir, c'est sûr, je t'allume, t'inquiète pas le seul. T'inquiète pas le seul. Quartier, Harlem, t'as besoin des bons comme Mad Sen. T'es pensé Mad Sen. Insta animal, le chakra se propage. On est tous coréens dans le nom de poto Einstein. On cherche le gueux, fermez-vous le gueux. C'est Bispa qui parle. J'connais des négros, non j'connais pas de négros. Qui esquive les balles, les balles. Ok. H31 dans le squat, dans le squat. XB, XB, H31 dans le squat, squat, shit. Planète XB, bam, bam. Insta, aïe, aïe, aïe. Spécy Direct. Wouhou. Belek a pas de faire ketchup, Belek a même pas de faire ketchup, Belek a même pas de télécharger, Belek a pas de faire ketchup, Belek, Belek, Insta animal le 1er décembre, bitch, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Insta animal, c'est gars du gris 2, c'est comment là, barbar.com, allez péter le projet, ils se barrent pas, ils se barrent pas dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sur le raté, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on t'a direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup. Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup, Belek a pas de faire ketchup. Crac crac. Belek a pas de faire boulot, Belek a pas de faire ketchup. On t'attache, on te met dans le coffre, on te met dans le coffre. Quand tu parles mal, mais tu perds tes couilles devant le globe. Devant le globe. Je pense à ce que Fred dit, c'est plus le reste, je les fuck. Plus le reste, je les fuck. Eux ils font grave, tu les pumires et tu te bats dans le coffre. On est pépère au calme, on s'agit d'un gamos. On s'agit d'un gamos. Magif, magif, te fais l'effet d'une barcos. Pas besoin de sortir le clic, juste le schlaf, c'est la vraie Ticanos. Rien qui parle de bip, mais non pas de quoi payer le tacos. Si tu bouilles, on te retrouve dans ta rose. Je fais remonter le tarot. J'attends le bif la nuit que je barrose. À part sa poteau, je vois que tout le monde est baron. J'enchaîne les classiques pendant que tu restes assis. À se manquer la dope et à siroter la lime. De la haine, j'assiste que personne t'assiste. Mon blast et Jack Mess, on voit ce jeu la lime. Pardonnez-les, ou bien pardonnez-les. Peu m'importe qu'on ne respire pas le même air. Je suis dans la foulée, je vois ta folie. On m'a dit que des choses, je vois t'en as pas l'air. Rends pas ton trèfle, là je vais péter mon 4-feuille. Faut que la batte tourne dans la tête, on se la fouille. Ne cours pas ta gueule, Tigo, y'a quoi. Mais je t'ai éliminé pour te montrer que j'ai pas de fight. J'ai le S, tu sais que c'est bête. On vit les 12 dans le sabbat. J'ai quelques-uns en plan, je sabote. Je pourrais te fumer, mais toi je te crains pas. ma gauche pour la douce, okay. Passe à ma droite pour la dure, okay. XBBB c'est la hure. De cra musique on produit que la pure, hein. J'ai donné le feu vert, j'ai donné le feu vert. De t'allumer au feu rouge, de t'allumer au feu rouge. Après ça coûte sévère, après ça coûte sévère. J'te catch up sous sa douche, j'te catch up sous la douche. Et c'est dans le bégay, et c'est dans le bégay. Là du coup t'as bugué, là du coup t'as bugué. Demande à tout méga, demande à tout méga. Et ça dépend bégay, et ça lui m'a mis. Ils veulent pas dans ta tête, nous on t'enchaîne. Ok. Sur le raté, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on t'a direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Comme un taliban. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire couleur. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Mon gars, c'est comment? Belle est capable de faire couleur. Belle est capable de faire ketchup. Si tu veux michetonner, je te mets sur le trottoir. Je te mets sur le trottoir. Un talent, un temps d'avance. Pour les autres, c'est trop tard. Pour les autres, c'est trop tard. Si t'en demandes, je t'en donne. Si tu fais trop chier, tu dors. Si tu fais trop chier, tu dors. J'fume mon Trop de fumée dans le bloc. Trop de fumée dans le bloc. Mon aile à la main, si je te croise en chemin, pour toi, ça sent la mort. Ça sent la mort. On fait ça pour rien. Si t'es pas d'accord, changement de décor. On baisse ta pute de temps en temps. Elle s'accroche vite, ça devient ma petite habitude. Moi, j'suis dans la hue. J'aime bien déformer ton gros hue. Mes bitches, il me faut des tubes. Quand je décide de m'arrêter, j'arrête. J'ai les outils pour te faire ta fête. Sortez les cons, c'est l'été. Sortez les cons, c'est l'été. UHLS, c'est vénère sur le corner. Quand ça pue, mais la tempête. On trône plus vite, ta mère la pue. J'ai que assis dans la pocket. Je prends des maps. Boum, boum, boum. Je roule en plein phare pour éblouir la barre. Mais les gros sont blagues. Mais toujours chinette, guettez mon gars, dis blague. Ma gueule, on t'attache. N'appelle personne ou je tirerai dans le tas. Tout se passe dans le bac. Pour éviter que le putain de vieille barre. Vas-y, on s'arrache. La gauche, on la tous homme. La haze, on la bouchonne. Et si tu ramènes de la semi pour niquer la zone, on te saigne. On te saigne. Ça se moque de la dope et rien que ça tire du shit en excès. Je crie le paradis pendant que t'appelles la mort. Que t'appelles la mort. Et quand je paye la mort, c'est toi qui en paye le prix. Qui en paye le prix. Si tu balances en t'attends, on te prend, on te met dans le corps, on te bute. On met et le torse, sans qu'on pèse, passe les rapports. On te drape à même si t'es corps. Les rambards, ils se parpassent dans ta tête, nous on t'enchaîne. Nous on t'enchaîne. Sur le raté, y'a le loup, y'a la chaîne. Et y'a la chaîne. Tu parles, on tarde, direct dans le corps, nous on t'enchaîne. On t'enchaîne. Pas besoin de talisman, je suis armé comme un taliban. Comme un taliban. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire couleur. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire couleur. Belle est capable de faire ketchup. Toujours présent sur le merco. En bas du bâtiment, je vais avaler le merco. Ça roule en OCP, plus tard ça roule en merco. YZ, YZ. Le mot KTM, gros mot KTM bridé. Gros mot KTM bridé, boum boum. Roulin, pur et frité, ton meilleur est bridé. Ton meilleur est bridé. C'est pas, t'as nous c'est la truc qu'on termine. Dans ma clique, des grenouilles, c'est permis. Je veux des dinars, euros, dollars et des livres sterling. Gros son, énerve, VR, j'y dans la berline. XV, barbare, la souffrance nous connaît. La clientèle, mon arrêt abonné. C'est la concurrence qu'on est venu cogner. Et sur ce, ma gueule, que je vais déconner. Moi je suis dans le vaisseau, moi j'ai déjà décollé. On a pas fini de bien vous étonner. Moi je fais ton thème thème quand tu te fais du poney. Y'a 250 dans la poche, y'a 250 dans la poche. Tous mes négros en golf, mes rebeux dans la barre. On défonce ta porte, on défonce ta porte. La Paris White est coffrée sous le porche. Même au gros micro, nous on nique les portes. Si lui me cherche, vas-y viens à port. Balle dans le corps, on est dans le corps. Moi et mes négros on fuck. Y'a mes négros on fuck. Y'a qu'on fume de la peu fort. De la peu fort. De la peu fort. Rebeux, c'est pas des lols. C'est pas des lols. Non, pas galon décalé sous un trait direct, on s'envole. Lève le complète et frotte l'arrière. Dans mon wagon j'en ai niqué plus d'un. J'suis dans la cuisine, je coupe le butin. Qu'est-ce que t'attends, mais j'chute le putain. Pas de tarpette, tu perds tes couilles. Blue à Paname, on va pas trop. Une fois que la bagasse est blindée, tu peux me voir vers PSO. Ils se parlent pas dans ta tête, nous on t'enchaîne. Nous on t'enchaîne. Sur le raté, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on t'a direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Comme un taliban. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Rara. Belle est capable de faire couleur. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Rara. Belle est capable de faire ketchup. Aïe aïe aïe aïe aïe, pour tous les barbares. Belle est capable de faire ketchup. ketchup en foire. Acheté par moi. Pour tous les barbares de ce franc, tu connais, si, si. Dis leur prénom. Insta animal, toujours disponible. Dans tous les quartiers de France, il y a des barbares, c'est sûr. Mon gars Barry, mon gars Miklo, mon gars Dino. Mon gars Sage. Papson, enfermé, on t'oublie pas, ma gueule. Papson. Toute la famille, la nocturne. Ton bras, tout le monde. Ton bras, le nocturne. Mon gars Las. Mon bras, toute la jupe là. On dédicace PS2. Comment, Kipsta, c'est comment? Ouais, c'est comment là? Comment là? La nocturne. Je vais essayer d'en placer une, les gars. De la nocturne, vas-y, Fred. M'en voulez pas, hein? Le XV barbare, Insta animal. Et ça, le clip aussi arrivait. C'est un des premiers morceaux qui a été balancé, celui-ci du projet. Exactement. Gros morceau avec un gros clip aussi du XV barbare. Ah, il faut, hein. Avec nous ce soir, donc ça sort le 1er décembre. 1er décembre, tu connais. Donc c'est lundi. C'est lundi. Et on peut précommander, on peut aller cliquer dès maintenant. Mais c'est déjà sorti. Pour c'est déjà sorti, c'est déjà sorti. XVBarbare.com. C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Ah, mais vous êtes même en avance, trop fort. J'avais encore les vieilles dates là. J'avais encore les vieilles dates du 1er décembre. Non, c'est la nocturne, c'est normal, t'es fatigué un peu. Ah, c'est ça. Pas de soucis, Fred. Mais oui, attends, on est le 5, putain. Bah ouais, on est le 5, gros. T'es en impro là, Fred. Oh là là. Bah, c'est vrai, moi le soir, à partir du vendredi, généralement. Au calme, y'a pas de soucis. Ensemble, on est ensemble. Dure journée, rien. Y'a un moment, ça bascule. Et certains d'ailleurs m'ont croisé tard le vendredi soir du côté du XV Barbare. Ouais, XV Barbare, tu connais. Ah, mais oui, attends, c'était lundi la sortie. Ouais, c'était lundi, ouais. Depuis tout à l'heure, on te le dit, gros. Ouais, Batman, roule un bleu. L'abus de la cipinine, au calme, Fred, au calme. Bon, bah voilà, c'est reparti donc pour du son sur Skyrock avec XV Barbare le 16 décembre. Alors, ça, par contre, c'est pas passé. Ça, j'en suis sûr, c'est le 16. Y'a un concert. C'est pas passé encore, t'inquiète. C'est vrai. À pas louper. Ouais, on vous invite tous à venir. Venez au maximum, 16 décembre, vous mourrez dans le 11. Concert gratuit à l'international. Ça va être le feu, ça va être le bourbier total. Et alors, bourbier total, si, si. Pour ceux qui veulent vous suivre, il y a des réseaux sociaux où on peut suivre, où on peut cliquer. Ouais, bah, t'as la page Facebook officielle, XV Barbare officiel, et t'as le Twitter aussi, XV Barbare, voilà. Instagram, je crois aussi. De toute façon, marque XV Barbare sur Google, tu as tout trouvé, ma gueule. Ah bon. Vous allez pouvoir trouver ça un petit peu partout, partout en cliquant le XV Barbare. On est partout, même dans la rue, mon gars. Avant de passer au live d'ici quelques minutes, on va se replonger sur l'album. C'était sur l'album de Ice MC, le morceau Bourbier. Ouais, c'est le son qui a fait un gros carton. Électron libre. Électron libre, voilà. Électron libre dans les packs. Des nouvelles d'ailleurs d'Ice MC un peu, les gars. Ouais, il se porte bien, t'inquiète. Ouais, il arrive lourd, fort. Ce sera pour 2015. 2015, Pyramide, tu connais. Et là on écoute Bourbier. Bourbier, est-ce que c'est le Bourbier ce soir à Skyrock, les gars? C'est comment? Est-ce que c'est le Bourbier ce soir à Skyrock? Ouais. Bang bang bang bang bang. À Skyrock je fume un plein. Fume un plein. Bourbier. Insta animal toujours disponible. XVBarbare.com. Aïe aïe aïe. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas d'après les blues et les grips. Je prends le trône comme poste fixe. Tu vas croquer la chose et puis est-ce que History X? Les crac crac crac. Dans nos rues c'est la Matrix. Te donne du blé, tu fais de la farine. Dans la farine que je te fasse du blé. Qui est-ce qui domine? Tant que c'est belle, tu m'envoies ravi. Hey les gueux, à mon avis, faut pas brûler ces putains d'étapes ou sinon t'es cramé à vie. Bourbier, maintenant que tu le sais, Igo, tiens-tu à ta vie? Bourbier, vente de ride de c'est au bigo, c'est mon train de vie. Bang bang, eh eh, ça sent le Bourbier. Ice dealer, dégainer les bombardiers. Là c'est la face, le S, ça va barder. Bang bang, bada bang. J'suis la renaissance à la fois le Big Bang. Bang bang, bang bang, bada gang. On est pas les bienvenus quand même à la bang. Et demain, même pense pas couper des Denia. Crâne mon mon gars, crâne max. Avant de quitter le Denia, c'est le Bourbier, Bourbier. J'rappe la vitesse dans tes max 500. Pour la J. On dirait que j'ai la gueule quand on a pas ça sang. Coutez, si vous les mettez, j'allumerai en passant. Coutez, doutez, vous allez finir noyé dans un bain de sang. Noyé dans un bain de sang. Noyé dans un bain de sang. Je rêvais de brasser devant la piscine. Et fini cerné par les civils au croisement. La rue m'épuise, le passé hante. La concurrence en a mal au ventre. Prévenez-les, allez-y, prévenez-les. Électron libre, c'est le 4 novembre. Prévenez-les, allez-y, prévenez-les. Électron libre, c'est le 4 novembre. Allez-y, prévenez-les. Électron libre, c'est le 4 novembre. Bitch, Bourbier, Bourbier, XV Barbare c'est Bourbier. Loco location Bourbier. Le 7-5 c'est Bourbier. La fourche c'est Bourbier. La J c'est Bourbier. L'allée c'est Bourbier. Gauthier c'est Bourbier. On veut que du gros rosé. Sur la tête du rosé qu'on peut t'arroser sur du rosé. Je ramène de la choper, la selle c'est pour choper tous mes rebeux et mes grosés. Sache que la vie te fait patiner. Le rapide cap et tout, je peux faire calciner. Ouais, chaque son noir que je fais, je le refais. Avec un nugget, moi j'arrête pas de signer. Je suis venu pour la bourse, on va changer les drôles. Genre de la brosse, on va changer les rôles. Ouais, c'est l'idée barbare, mais quand j'ai les barbades, car après le barbac, je tire sur l'épaule. Plein de la volaille, c'est pour bien. Une histoire de dollars, c'est pour bien. Grosse peine de dollars sur les cafes à molars. Le loupette, le renard, c'est pour bien. Je vends le neuf, on veut parier. Ghetto Youth Paris, go amigo. Y'a assez de balles dans le parier. Billet, aller-retour à Rio. Le Ben, ADN criminel, jungle en fur. Cash money, give me dead. 3, 5, 7 mm, 5 en vue. 3, 5, 7 mm, 5 bien vu. Le vice est prospère, direct on retourne le beau, sacré son, mais l'atmosphère. Dans la mêlée piston, Bellec au faux frère. D'après tous mes faussaires, c'est du sac qu'il faut faire. Ouais, va niquer ta mère bien fort. C'est de la part de tous les quartiers nord de Paris. Quand on parle d'investissement à risque, on est venu tous les mettre à cause nous, on donne le tarif. Et fais pas crari. Cash money, gimme dead, c'était Jimmy Nickel. ADN criminel, à des cash money men. Les 187, faut les mettre redoutés comme le 9 mm. C'est bourbier. Si tu veux tous nous test, t'auras pas assez de potes. Le rap en cloque, le mouton de criminalité augmente comme des paquets de clopes. Je répète, c'est bourbier. Cette société qui nous rend marginal. Pénétration anale, animal, acte vaginal. Et le rap pas mal, puis le rap pas mal. XB2, c'est la clé qu'on s'applique, on est deux. PS, auteur, élève, j'ai la jonquière énervée, on les perd, on est deux. Bourbier, XB pas avoir, c'est Bourbier. Bloc en location, Bourbier. Le 7-5, c'est Bourbier. La France, c'est Bourbier. La Chine, c'est Bourbier. Calais, c'est Bourbier. Gauthier, c'est Bourbier. On a plus de temps à perdre, on a plus de temps de merde. Qu'est-ce que fait Bourbier, lequel je démis. Je n'ai pas sorti que 9 mm. Fréquente des gens pas très nets. À l'étage là, autant je fais net. C'est pour que personne parle bien à ton aide. Je me permets de vous dire d'aller vous fermer. Allez vous fermer, m'enculer. C'est le méga Bourbier. Pétasse, foutu, pégage. Sinon on va tomber. T'as plus, t'as plus, moi je suis pisté. Par les condés. Et c'est au placard, c'est fils de but. Faut ta que je t'ai salope, mets-toi des wands. J'ai chargé le neuf pour ces fils de table. Ceux qui portent le bloc, ceux qui partent de wands. Ouais, ceux qui partent de wands. J'ai chargé le neuf pour ceux qui partent de wands. Ouais, ceux qui partent de wands. J'ai chargé le neuf pour ceux qui partent de wands. Toute ma clique, fuck les flics. Toute ma clique dégaine l'automatique. J'ai chargé Charles le Broly 6.3, plutôt speed. Damos ton cas, le F au cas. Viens dans nos cas, tu verras les MEA. 4h du mat, perti chez Watt. Gros M16, beau de cabal. Ça baisse la vie, Vélex et ça rafale. Tu sais ma clique, mais ça sera folle. Elle le TO du 17. Flo AKKK47. Sortez, sortez les mitraillers. T'es dans le viseur, on touche ta tête. Fumi auto couplet criminel. Ta vie se joue dans sa note humaine. PS au bombe la tata chez le. La R de la joie, le quoi, c'est chelou. Sortez les bourbiers, que le M6 se mette à crier. Clash, Magnum, bloc chargé. On va tirer, pas pour te blesser. Les charbonneurs, trop c'est sur la. Allez, monsieur Rebecca pour faire la monnaie. AMG, Bourbier, XB Barbar, c'est Bourbier. Loco location, Bourbier. Le 7-5, c'est Bourbier. La fourche, c'est Bourbier. La J, c'est Bourbier. L'allée, c'est Bourbier. Gauthier, c'est Bourbier. C'est le lion de la terre en garde. Reste pas un image, je te mets en garde. Quand direct de Dakar, c'est le nom qui éclate. Qui se chargera d'un putain de rencard. Rappelle-moi, Pispa, Brice Squad. La tour et quelle escouade. On t'a reposé sur l'allée, reine, reine. Sortez les quads, feuilles de bleu, porte pas bloc. C'est la tour, petit fils de tintin. Sur le deck, j'ai la machette qui égorgera tous ces fils de tête. La chaîne fait, si tu mises à la mort, sois déterre, mais faut pas que tu déconnes. Connais le VTS, la vie crasse et te mort. De la date pure, ouais, t'inquiète, elle est bonne. Donne-moi l'école, je compte pas sur ça. Ça pour but, tes négros, c'est pas sorcier. Une cagoule et un accaparex pour rebraquer le banquier. Bourbier, t'es cramé. Prise en photo par la BAC. Bourbier, la défait. 9 mm, tu te fais braquer. On m'a dit que l'électron est libre. Il fallait que je vienne voir ça. Je me rappelle pas des cours de physique. Donc je prends de la weed et quelques massas. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le triomphe d'or de Berry. C'est le triomphe d'or de Berry. C'est le triomphe d'or de Berry. Pour taire la vache, je vais mettre les gants. Choisis le bouquet sur ton cercle. Avec une rose, je fais l'innocent. Avec un clic, je coupe à tumeur. Ouais, barrez-vous, ouais, barrez-vous. On arrête des points fous, une furie ou de la foudre. Ouais, barrez-vous, ouais, barrez-vous. Le méga en constat que le drame tire dans la foule. Je vais blinder sur ton plan, c'est bombé. Neuf calés dans les couilles, des visées. Si tu sens pas les coups, ce seront les doux qui feront le tout. Jack Damiel prend les guêpes de ma rue. J'ai le bourbier, donc prends bâton bonbon. Mais c'est une merde de retard, mais tu finis les côtés à l'arrière du fourgon. Tous mes négros sont en Gucci, Gucci. Je roule mon petit steak à ma bitches, ma bitches. Tous les jours, jour, ça cherche le bif. 7-7-0-17, c'est ça la clique. Méga bourbier, méga bourbier, méga bibou. J'attends toujours la juge, la broc, me suce les boules. Bourbier, bourbier, il se fait pas voir, c'est bourbier. Loco, loco, son bourbier. Le 7-5, c'est bourbier. La fourche, c'est bourbier. La gifle, c'est bourbier. La laisse, c'est bourbier. Côté, c'est bourbier. Qui vient poser, mon garisme, c'est bourbier. Okay. Y'a pas de boule, le drame, le PSO, tu peux rien tester. Tu vas te faire un bourbier, j'en fais des trucs et des coulisses. On tient pas un bourbier, tous les jours on leur t'a cartonné. Et tu vas pas des bourbiers, la caution tu l'as pas payé. Putain, ça c'est bourbier, les plus grands du bois qui portent du lubie. Car la jute leur a dit de se porter à carreau. 7-0, oui mon négro, tu connais la suite des numéros. Qui le reste trop, barbe à la bec, dans les rues de PSO. Prise de ma gueule, on est trop chaud. Youssou dealer, 17 sur le dos. Grave mon pas les couilles, billets. Moi ce qu'il me faut c'est des billets. Mes amas je m'appelle Tantan, mon but but. Ça une sorte de ta cendrier. Yekoko Biko Boubou la ouais. C'est quoi le CG ce soir-ci en direct de l'allée? En direct de Sky. Aïe aïe aïe aïe. Interpellation avant la prolongation. L'odeur du placard. À cause j'étais dans le noir aux arrivants sous pression. J'en ai jeté des bâtards, je suis né sur ma terre. J'ai grandi sous l'oubia comme Melouz et Qatar. Aujourd'hui j'étais pas plat, du ciel à ma table. 10 bouteilles de champagne comme un joueur du Qatar. Le X fait barbare, c'est de quoi je suis capable. Ils m'ont dit l'MC loco, fais leur sauter le pied. C'est moi qui fais dans son TK. Espèce de pouca, va pas la mauvaise pas toi, retourne en éducation. Je suis sur des classes, je rentre full éducateur. En garde à vous 4 heures en vérification. Je me force des bastos, je suis un 24. Les dit qu'on passe au 20h à cause les gars ils m'aiment poisson. Je suis de la passion, je fais que passer. Je vois les ennemis s'entasser dans mon champ de vision. Venu les déclasser, les empêcher de brasser. C'est pas le même vécu, pas la même interprétation. Que des vaillants dans ma ligne et pas des faux bicots. La vengeance allumera devant le comico. Aucun producteur, je me suis fait solo. Je suis un homme d'affaires avec un micro. J'entends son skipper, tu regrettes ta traîtrise une fois qu'il peut. Ne raconte pas de pipo. Pourtant, je t'envoie le keeper, du keeper, du keeper, mon keeper. J'ai un quartier en loco, donc on y a mille feux. Des familles entassées dans des hôtels miteux. Dites aux maisons disent que j'aime les grosses femmes. J'veux un contrat d'artiste à 300 000 euros. Tous là les gars, gars du 14, les gars du 14, sous Paris, 0-1 sur ma gueule, mon gars, c'est vous les vrais. C'est en dédicace. Laura du PK, mon gars Kexon, en direct du Zetré, c'est comment? Mon gars Gas, les deux Gas, c'est comment? C'est comment? Le long, c'est comment? Les Abendé, mon gars Narvalo, mon gars You, PSO Tug, Jamel Narvalo, il est là. PSO Tug, leur projet, il arrive très très lourd. PSO Tug, suivez, c'est la même team les gars. Bourbier, troisième essai, Bourbier à l'instant, c'était extrait de l'album d'Ice Lem. Avec le XV Barbare. Électron libre. Électron libre. Et là ce soir le XV Barbare est là. Ouais, gros classique du 17. Et je rappelle aussi que depuis lundi et dans les bacs, enfin c'est un animal, voilà. Je suis pas planté enfin, cette fois-ci. C'est sorti, gratuit. Ça y est. Tout ce qu'on vous donne c'est de la puff et c'est gratuit gros. Donc allez-y, allez cliquer, allez trouver XV Barbare. Et c'est un animal. Avant d'attaquer dans un instant live, on finit avec deux morceaux du EP. C'est parti, vas-y de frais. Aïe aïe aïe. 75, sais, ma gueule. Aïe aïe aïe, la zone. Si wow. Si Gergos. Mais au fond tu le sais. Triangle doré mon sauce. On est sur le corner ma gueule. Corner, aïe, corner, aïe, aïe. Du corner. Bang. Squat. Squat. Wesh les gars. Squat. Squat. On te shoot comme un paparazzi. Bloga bloga, on va te bloquer. Passe à la pluie de touche car pas de panique. Où tes négros se feront allumer. Je vais faire te canner avec mes propres mains. J'aurai plus de goût à te voir mourir. Puis c'est que mes serpents bicravent un tas de venin. Quand ça parle de fou, ça parle de finir. Ouais c'est Black Day, il faisait barbare, l'équipe tu connais, l'équipe tu connais. J'ai placé des schlags dans ma vie et c'est pas ça qui m'a fait m'envoler. Bang grave, grave, bang bouti pour abouti. Cette pute me suis sur l'allée, me suis sur l'allée. Je monte sur le plave avec mes gars. C'est sous la grille, j'démarre la bécane. Pour faire du bif avant de prendre du fer. C'est trop tard quand le mal est fait. Avant d'investir dans le fait faire. Dans la boîte à gants, faut le courage et le faire. Je vais dans ma zone, tu connais rien du tout. Je mets pas les pieds, tu vas perdre un genou. Il se fait barbare parmi vous. Préparez-vous, 2014 va vous faire chelou. Mais au fond, tu le sais, je suis sur le corner, ma gueule. Tu le sais, je suis sûr. Casquette plus casque, gros jambes dans la bouche. Gros jambes dans la bouche, il n'avance pas, entouré de mecs louches. Entouré de mecs louches. Et si ta bite comprend pas du premier coup, j'appelle Chevet ou Black pour lui remettre une couche. Et si ta bite comprend pas du premier coup, j'appelle Chevet ou Black pour lui remettre une couche. Mais au fond, tu le sais, je suis sûr, corner. Tu le sais, je suis sûr, corner. XV barbare ma gueule. En train, viscère. Fais les bails, vas-y, reste discret. Dans le square, reste discret. Balle, bite de balle, jeu. Dans ton cul, fallait pas la ramener. Non, non, L'année là j'ai lâche, tout sera bâtard qu'on m'ait fait de l'année. C'est moi le sas à cramer, fuck la stupeur, fuck que les temps respectent. Moi que les vrais je respecte, reste autour toi mon bas les coups tu respectes. Dans les rues de ma ville, le soir quand les gens dorment, malveille. Les gens malveillent, pas tout moi, j'attends un jour sur celui de la paix. Lui c'est un animal, Lion. Après j'étais gros j'ai plus sommeil. On a qu'un seul but, niquer ce putain de game. A peine 4 mesures, dans la cabine très vite tu ressens la chaleur humaine. Jack monsieur, cette bise me manque donc il va falloir lui mettre. Jackie, mon place c'est Jack Mess. Tout sont posés dans le bec, ça fait que l'équipe. Si c'est que l'équipe, si c'est pas tête à tête, moi je sors le Glock et puis là on équipe. The S, papa, voilà les S qui vont à des papa. Et quand t'as fait le mauvais papa, veux-tu que je t'apprenne ce que c'est qu'un papa? Il est friqué, je suis proliqué. Question, il va se manger la douille. Tu m'as pété, je m'en bats les couilles. Moi je dépose ton salaire dans ma fouille. Mais au fond, tu sais, je suis sûr. Ça viscère ma gueule. Tu sais, pas qu'à la fourche, pas qu'à un rat, mon gars. Dans ce forêt, du stade, mon pote. Viscère, vas-y, reste discret. Black Crown, Belle est capable de faire ketchup. Belle est capable de faire ketchup. Aïe aïe aïe. C'est au calme, j'ai le choix que de la femme, pas de la fumée, mon pote. Si on est libre. On m'a cliqué danger. On m'a cliqué danger. Allez, c'est parti. Allez, bon là, c'est le slow. Squaw, c'est le squaw, mon gars. Il fait barbare, ouais, ma clique est danger. Ma clique est danger. Dangerous, squaw. Clique est danger. Batman, squaw. Il fait barbare, ouais, ma clique est danger. Ma clique est danger. Je sors le AK, la suite, tu la connais déjà. Tu la connais déjà. Bang. Dans tous les cas, et de toute façon. Et de toute façon. Bang, bang. La bouteille sera pleine avec ou sans glaçon. Avec ou sans glaçon. Il fait barbare. C'est le lion de la terre en gare. De la terre en gare. Asta animal, ouais je te mets en garde. Ouais je te mets en garde. Quand direct de Dakar, c'est le nom Sieka. C'est le nom Sieka. Qui se chargera de mon putain de rencard. De mon putain de rencard. Je vais juste un tout petit peu et tout le monde te suit. Il me reste un petit peu si tu veux tes frites. Tu veux tes frites. Je mène la danse mais c'est eux qui dansent. C'est eux qui dansent. Bang, bang. Je te fais la cour pour qu'à la fin tu me cours. À la fin tu me cours. Va faire un tour, peser contre et pour. Instinct animal, jean avec les loups. Toujours dans le bloc, tous les jours dans le frère, je les aime et le reste je les fuck. Dans le torse, balle dans le torse. On ketchup comme un balle dans le corps, on ketchup comme un coffre. Oui, oui. Fini de rigoler. Fini de rigoler. La lumière invisible dans le noir. X des barbares pour m'épauler. Allume le barbecue, H31 dans le squat. X-Squad, c'est le X des barbares, vas-y ramène ton groupe. Ta mère, ta sœur, elle nous sert de groupie. Tout le monde s'écarte en blocage des groupies. Je rentre pas dans les normes, gâteau sur la cerise. Tu veux m'arrêter, c'est trop tard. Négro, je retarde ton programme. Trop de lusty dans nos écrits, c'est le 7 diff et de spé sur ton bombif. Demande à mon gadino, ma gueule, on percuse. Tu nous sautes du terre, ma gueule, tu sais que c'est la crise. Tu nous sautes du terre, ma gueule, tu sais que c'est la crise. Même avec du flow, ta parole passe aux assises. Même avec du flow, ta parole passe aux assises. Ravage de cailloux, je vais pas me plaindre à rocher. Ravage de cailloux, je vais pas me plaindre à rocher. Prise pas, prise pas. X fait barbare, ouais, ma clique est danger. Ouais, ma clique est danger. Je sors le AK, si tu la connais déjà. Si tu la connais déjà. La connais déjà. Squat tous les gars, et de toute façon. Et de toute façon. Et de toute façon. La bouteille sera pleine avec ou sans glaçon. Avec ou sans glaçon. Avec ou sans glaçon. C'est le lion de la terre en gare. De la terre en gare. La terre en gare. C'est un animal, moi je te mets en gare. Moi je te mets en gare. Squat direct de Dakar, c'est le nom Sieka. C'est le nom Sieka. Qui se chargera de mon putain de rencard. De mon putain de rencard. Je rentre dans la pâte, toutes les bitches chantent la phrase. Toutes les bitches chantent la phrase. Je t'éclate ta face à ton groupe, il n'est que de passage. Il n'est que de passage. Aga ou 9 milli. Ou 9 milli. À côté de ma perte, ça nous dit des résidus de ton cochon. Foiré. Foiré. Le Glock est toujours dans mon froc et les touches sont dans le sac. Les touches sont dans le sac. Sac. Je passe la plupart de mon temps dans la cabine ou dans le bar. La cabine ou dans le bar. Bitch, tu perds tes couilles quand tu vois le machin. Quand tu vois le machin. Et moi quand je coupe, là je suis toujours à jeun. Toujours à jeun. Ta meuf la baise avec ou sans porte jardin. Enfoiré. Dans mon monde, car ça devient Uncharted. Ici, enfoiré. Tu sais, pris ta meilleure lock. Ok, bien vu Psartec. Bien vu Psartec. On préfère le blé qu'à tâche, mec. Sale pute, je vois pas pourquoi tu m'harcèles. Brix, quoi, c'est la street. C'est normal que tu nous connais un. Que tu connais un. Un repu, tu la snip. C'est normal que la nuit, tu dors un. Tu dors un, tu cogites, tu cogites, tu cogites. Tu cogites. Tu me rappelles à 6h du mat. À 6h du mat. Des gros chiffres, des gros chiffres. Parce que rien que tu l'es par sur WAM. Tu l'es par sur WAM. XV Barbare, XV Barbare, ouais ma clique est déjà, ouais ma clique est déjà. Clac clac clac, ça sera le cas, la suite tu la connais déjà, tu la connais déjà. Dors pas ma gueule, dans tous les cas et de toute façon, et de toute façon, tiens dans ta miroir. Et sera pleine avec ou sans glaçon, avec ou sans glaçon, avec ou sans glaçon. C'est le lion de la Teranga, de la Teranga. Insta animal, ouais je te mets en garde, ouais je te mets en garde. Quand direct de Dakar, c'est le nom Sieka, c'est le nom Sieka. XV Barbare qui se chargera de mon putain de rencard, mon putain de rencard. XV Barbare, XV Barbare, pour tous les mecs de la zone. XV Barbare 4 bâtards mon gars, pour tout le 17ème. XV Barbare 4 bâtards, si si si. Futur classique du rap français, tu connais. XV Barbare, à suivre de loin ou de près, on est là de toute façon. Si si. C'est la nocturne avec XV Barbare. Le XVBB ma gueule. Ils sont là avec un projet qui est sorti depuis lundi qu'on peut trouver sur le net. Allez cliquer, ça s'appelle Instinct Animal. Instinct Animal. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Allez, c'est parti. Je sens en même temps vous avez fait tous les morceaux donc si là vous êtes toujours prêts. Toujours, on est prêts. T'inquiète, Fred. On attaque? Vas-y. On attaque, mon gars. Roule un plein. Vas-y, le mec. Ah. Attention, attention les gars. Squat, shit, freestyle, XV Barbare. XV Barbare. Fred, tu peux mettre plus fort? Eh ben on va mettre plus fort. Et là, coup d'envoi de ce live. Aïe aïe aïe. XV Barbare, Skyrock, Skyrock. Aïe aïe aïe. Ouais ouais ouais. C'est hey, pour tout. Ouais ma fille, tu connais. Comment les gars? Bang bang. Tu connais la zone. XV Barbare. Ma fille, tu connais. Wesh les chacals. C'est le XV Barbare. Dans le bendo. Y'a de la tisée, y'a des tanks, y'a des tanks, on peut ramasse l'avocat pour éviter les gars, pour éviter les gars. La peine roue, c'est ce que j'éprouve quand je vois tous ces tanks. Je vois tous ces tanks, c'est toujours dans le jeu. Dès qu'il est balle, élimine les hops. Reste caresse, la 2.0 pour du bif au carré. Au bout 17 verres de méchant l'appareil. Juste avant que des pensées perverses me parviennent. Sur un thème nuit blanche, chanté par jardin. Un verre étudiant, ça va sortir les bourbiers. Une ambiance barbare, du shit dans la main. Dans la volaille, se ramène, ça lève sur l'allée. NJ déter, raminé. 7-5-0-1, c'est le clic, vous criez. Sale vie, terrain sec, une bougie sur ta tête. Qui est un des hauts, pareil pour t'allumer. La chambre Biggie, c'est que du lougour. Ça quitte un truc, sinon ça passe pas gars. C'est avec Rick du souvenir de vacances. Une photo de clito, et le guet ok, je m'arrache en Chine. J'ai les yeux bridés à cause de la lit. Pour les craques, espère en cuisine. Je les frappe, espère de la rime. De la S dans tes narines. On vient de barbare, on arrive. Tu la connais par cœur, Rico. C'est pas de ma faute, c'est le désertique. Je rentre dans le rap comme un parc de Kalashnikov. Pas de la pure dans la hure. Ça tue. Les polos décollent sur la planète Saturne. XV Barbare dans le game, faut ça dure. Rentre dans la crise, serre ta ceinture. C'est de la pure écaille, tu m'auras l'hameçon. Y'a trop de détails, y'a trop de poissons. Mon fuck, mais je baisse pas mon caleçon. Sans minique, moi le tireur sans glaçon. Les bénéfices de la récession. Les filles, quoi, je veux prendre de ma portion. Ma clique, va falloir faire attention. Le brolique pour plusieurs, attention. Faut que la bac là c'est blague. La bac là c'est blague. Là c'est blague. J'suis toujours un bas dans les bacs. Je ne frappe pas dans le bat. Squat, squat. Goûte la frappe RLH. Goûte la frappe elle est lâche. RLH. Faut que la bac là c'est blague. Suite présidentielle. J'ai fait de Kenny dans ce game. Bang, bang, bang, bang, bang. Dîner à la chandelle. Le but c'est pas nous qui trompent. On est gagné. On mal. A des cannibales, à des carabines, on voit le mec je graissé. On voit le mec je graissé. Tu vois c'est quoi les bails? Ils dans les Caraïbes, ils sont chiffrés comme l'iceberg. Les filles y'a un quoi? Tu me demandes quoi? Tu me fous mais y'a un quoi? Tu me fous y'a un quoi? Je veux dire mon navire, je peux visser dans mon navire. Moi je dirais y'a pas de choix. Des fois pas de choix. Je multiplie par 10. Les armes ne sont pas factices. 6-6-6. À chanter un dans le score. J'ai de faire avec dans ce monde rien n'est gratis. Dans le bendo. Bendo. Y'a de la tisée, y'a des stocks. Sur ce qu'on veut. Lance l'avocat pour éviter les cops. Pour éviter les cops. La peine roue. C'est ce que j'éprouve quand je vois tous ces tanks. Je vois tous ces toujours en jeu. Je fais qu'il est balle, élimine les hommes. Élimine les hommes. XV Barbare, 4 bâtards. Insta animal, 1er décembre. XV Barbare, 4 bâtards. Insta animal, le 1er décembre. XV Barbare, 4 bâtards. Insta animal, le 1er décembre. On est sorti en foire. Aïe aïe aïe. On est sorti de la pleine ombre, mais des soins téléchargés en c'est le début de la c'est guerre. De la des étoiles, je manie le sable comme un maître. Si vous me tuez vite, que ça soit dans la hure ou dans la cabine. Hugo, j'ai que de la repu dans la cabane. Ouais, Hugo, tu peux l'emporter que sur un couvain. Coup de balle avec si t'es comme à la coula. Ratata, tu veux de la moula. Tu te feras soulever si tu joues de la mala. Ra ra ra ra. Dans la mêlée. n'est plus cache ton shit. T'inquiète pas, ma repu te casse ton pif. Bang, casse mon pif. Si tu veux pas finir dans le coffre, au moins 6. Putain de merde, non, au moins 2. Instinct animal. Le premier décembre. Le premier décembre. Dans le XV Barbarie. Merci. Aïe, aïe, aïe. Au XV Barbare pour ce début nocturne. Merci à vous. Instinct animal est dans les bacs depuis lundi. Et puis un concert le 16 décembre à pas louper, concert gratos. Ça, c'est lourd, lourd. Venez nombreux, nombreux, nombreux, nombreux. Je vous laisse le mot de la fin s'il y a 2-3 dédicaces à passer, s'il y a 2-3 messages. Dino, c'est dédicaces à passer, gars. Tous les amis, mon gars de Blue Barbary, de Blue Ski, les deux gars. Batman, mon gars, Batman, Batman, ADN criminel, mon gars, Famas, mon gars, Mousse, ouais, y'a Jaja aussi, Mademoiselle. Des côtés nord, mon gars, Famas, Dino, mon gars, HD, Caralodra, putain, Dino, Younes. Merci à vous, Galas, 17, comment les favoriser, photo. Tout le monde, y'a trop de monde, C'est le Bourbier. C'est le Bourbier, on va pas finir tout de suite ma gueule. Juste un dernier tour, un dernier truc pour finir. Donc qu'est-ce qui se passe pour 2015 pour vous, pour le XV Barbare? 2015, premier album Inch'Allah, on espère. Premier album. On est venu frapper le rap français. On va arriver 10 fois plus lourd qu'Insta Animal. Commence à les faire écouter Insta Animal d'abord. Soyez prêts. Et bah merci à vous tous. En tout cas, avant goût du projet, le 16 décembre, tu connais, gratuit. Bang bang. Dédicace. Bang bang. Merci au XV Barbare. Dédicace à la soirée. Les gars du 17, c'est comment? On est tous là. Les gars, merci à vous. Ouais. À plus, Mago. Balle. Le XV Barbare à l'instant dans le nocturne. Pisse pas. Ciao, les gars. Aden criminel, ciao, mon gars. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Allez, la nocturne continue avec un projet qui est sorti aussi, celui d'Ixo, du 9-3. Bandi Agal, c'est le nom du projet, le morceau qu'on écoute maintenant. On n'est pas tout seul avec Gradure dans la nocturne qu'on trouvera juste après aussi pour terrasser. C'est sur Skyrock. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. T'es ma, tous mes revenez gros postiché dans le bloc. On n'est pas tout seul. J'espère qu'on double polé dans un bête de fer. Fume de l'air, ça sort de perles. Saveur de pilon sur les lèvres. Grosse prod que je rappe mon 16. Grosse fesse que je crache mon sperme. Sortir l'argent du casino. Cagoulé à l'arme des Payless. 21, blackjack, verre de cognac. Jack, j'pèse ta grognasse. Clac, j'roule un grognax. Grosse coupure, grosse fesse, grosse fiasse, nigga. J'guette la taille des fesses. Elle guette la taille des chambres. J'bois mon verre de ponche. Elle ouvre les chambres. Et j'insère mon jeton dans sa fente. Et négro, j'baisse un apila. Fuck la bague et les mbilas qui pensent qu'à nous mettre au placard. Je vous la glisse comme une banane, la jazz in fédale. C'est de la frappe sur le beat que je viens te livrer. Négro, arme plus que calibré. Animé, réanimé. Pour des pesos, on va t'allumer. Dans mon 5-9, c'est la guerre. On va fumer avant de tirer sur le calumet. Flow saveur VIX pour les enrhumer. Dans mon 5-9, c'est la guerre. On va fumer avant de tirer sur le calumet. Flow saveur VIX pour les enrhumer. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Gradure, XO, Roubaix, Sevran. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Tous mes robes négro postichés dans le bloc. On n'est pas tout seul. Adon les enculins secs. Zéro, tu connais l'équipe, l'adresse. Ils ont gradure pour le Tchégué-Sel. Je suis l'invité sans prise, niqué la fête. Boycotté depuis le départ. Je suis la bête noire, t'as fait cauchemar. N'est-ce pas ta sœur sortir ce soir? N'est-ce pas ta sœur sortir ce soir? Ouais, t'as cliqué par curiosité. Ouais, tes rappeurs sont des fans refoulés. Ouais, c'est à nous qui veulent tous ressembler. Ouais, c'est la rue, c'est ça qui t'effraie. Ou la crosse qui dépasse d'une fistelée. Moi, je me pose pas là pour sympathiser. Je la cause de tous ces traumatisés. Pas de pause, j'ai pas fini de les baiser. On t'a dit qu'ils s'étaient fait péter. Je les croise à Roi, si c'est DG. Ouais, c'est le Satan bien douillé. Reviens, Broly, qu'elle cherchait. Reviens, Broly, qu'elle cherchait. Comme lequel, ça va défourailler. T'occuper, je vois ces négros changer. Rien t'aider, personne pour te venger. On est vrai, et ça sans faire exprès. Et ça sans faire exprès. De quoi ils se plaignent? J'ai même pas fait feu. 59, 9, 3, 2. On voit rouge quand y'a les bleus. 59, 9, 3, 2. On voit

bouse en yabouza. Bouse en yabouza. Bois Illuminati, j'bouffe que des scamoussas. En bois, tu tricas comme DSK au Sofitel. Il faut mon Rica, ça me fait rouiller l'hôpital. Ouais, mon Guilux, vaut mieux que tu ranges ton Opinel. J'ai une patate virus pour niquer ton logiciel. Méfie-toi de l'ours qui dort. J'suis ton père, j'suis Dark Vador. J'ai touché ton point G, c'est ça que t'adore. J'ai une tête à t'acheter des sacs Dior. Tes chaussures, c'est des Gucci, des Gucci. Les MC font les durs, mais c'est des fiottes. Tu supportes pas la 10, bah boîte la flotte. Même tes 10, 25 G, baisse pas son froc. T'es belé qu'à qui tu frottes. Fais un vœu comme Aladdin. T'es une chouin, peu ma queue. Ça finit au baladin. Arrêtez vos baratins. Paye ton greffe et pas le radin. Jury qui rosette, de fleurs et michons. J'ai des trous dans les chaussettes, ça t'a mis les jetons. Pour l'état, on est des jetons. L'air est bas dans les pochons. Les carbas aiment les cochons. Rapila, Mesquina n'a pas de shampoing. T'as une carrera, mais t'as pas de point. T'as les fers islam, mais t'as pas de joint. Tu fais la caïra, mais y'a pas besoin. T'as la chasse pour ton queue bas. Pris en chasse par la queue bas. Fort péré, la queue plate, la Mondeo. Écart bas, tu prends d'armes et judéo. D'amido, faut refaire la déco dans les ghettos. Hey gringo, faut s'écarter sur Jedro. Si Kirkman était Kenny, mélange pas les queutards, les bikinis. Quand t'écartes pas de Camini, le cheddar dans le panini. Nos bécanes sont en I, pas de mal, on est aigri. Si tu flippes sur ton chourine, dans mon chip j'ai de la taurine. Tape une tweet avec Corinne, les MC n'ont aucune rime. Ou bien music. Pour son rap français, la net rap. La nocturne. J'ai connu ton père, Jarod. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. Je suis le 7-5, j'avance comme un tank. Sur eux, sors des sars de la banque. Et ne t'en peux plus, tu veux mouette. Dis-le, tes potes disent, tu peux le faire. Fais-le, moi et Nerf, on les pèse. On pense qu'à guetter la faute, donne-nous juste une occasion de tout perdre. On va se faire plaisir avant de rentrer en tôle. Pour du cash, on rap. Je passe pas ma vie sur le net. Follow, si je bosse pas pour Watt, c'est que j'ai des choses à F. Solo, si cette fille me traque, j'ai pas la tête à plaire. Salam, elle veut pas me chez là, parce qu'on lui vend du rêve. Sur WAM, c'est Panam, on arrive en ballon, on va les wets sans gants. J'marche calibré que des mecs sans gants. J'suis là pour peut-être 100 ans. Tu connais les bails, arrête de faire semblant. Tout ce qui nous manque, c'est la maille. Suce mon oreille, fuck ton équipe, caraille. On sait que tu as grand ta life, fuck ton oseille, même si les temps plus à life. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais faire un casse en plein panin. Gava tu passes, tu vénères, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais blessé. Les volets sont baissés, fais la grosse tête, tu vas te faire poser. Ils vont pas te saucer, ils vont pas te sauver. Mon gava c'est comme As, j'arrive solo, j'ai peu de partenaires, j'ai ma bande. International comme un communiste, comme un club de foot, comme un gang. J'ai porté les putes, tu sais que j'ai porté les putes. Ils savent de qui j'parle, mon gava c'est comme As. On a grandi dans le check sans marquant des buts. J'suis dur en affaires, comme mon gava croco. J'respecte les mecs qui font le taf, qui parlent pas dans le vent comme mon galoco. J'suis solo dans le game, j'suis boycotté par des gays. En vrai les gays valent mieux que ces grosses putes. Promis bientôt j'vous F la reggae. Wesh, tu te comportes comme une go, prends des cash qu'on pourra avoir des muscles. Wesh, tu dis pour une casquette. Wesh, tu fais le fou, tu discutes. Gava, sors un truc, fais chose gueule. Wesh, t'as la tête d'un SS. Gava, si la juge me laisse faire, j'te fais un trou de la taille d'un fessel. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres. J'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père, j'ai connu ton père. Tu m'arrêtes pas, tu m'enterres, je vais faire un casse en plein panin. Gava tu brasses, tu vénères, fuck ton salam. J'suis sur un tir, j'vise la tête, jamais blessé. Les volets sont baissés, fais la grosse tête, tu vas te faire poser. Ils vont pas te saucer, ils vont pas te sauver. Tu connais les bails, ma gueule. Jamais de faille ma gueule. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne.

pavés pressés sur le bitume. S-O-N-O-F est né pour faire des tubes. Je vais te prendre, nous rappeler qu'ils allaient prendre tous les bafés. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Je vais te prendre, nous rappeler qu'ils allaient prendre tous les bafés. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je n'ai rien fait. Zoxy dans la nocturne. Sans mon micro, jamais sans mon easy. Rien que j'entends les cris quand je monte sur scène abusé. Sans cher et ces filles-là, y'aurait pas de quête fusée. Sans cœur, mélo, philo et moi, pas qu'est-ce que tu dis. J'ai plus grave de la dope quand j'y repense, je suis malade. En tôt, j'aurais rêvé, j'étais comme une feuille de salade. Y'aurait pas de slash pour être sans le poteau d'Annie. Aucun fils de traître dans nos photos de famille. Papa aurait voulu que je sois une star du ballon. J'ai fini star du rapé, esquivé, je t'arrête le ballon. D'ailleurs, une pensée pour ceux qui là-bas croupissent. Conseil petit, méfie-toi des radars groupies. Au début, tu les pèseras comme n'importe quel pouliche. Au final, tu les laisseras même en triangouliche. Bref, dans mes prochains morceaux, j'espère y'a plus de gros mots. Mes petites nettes qui trop mon flow, ils like mes photos de promo. 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, ça crâne sur Instagram. Ça braque, ça deal du crack, ça prime en gros de berline, même en safran. Parce que je rappe comme un boss dès que je suis king de Boulogne. Transmets mon savoir aux gosses d'ici de Bourgogne. Écris tout dans la tête, dans mon crâne ça bouillonne. Dans le rap, je suis comme un vieux vers ça bouillonne. 11h, 11 ça pourrait être mon putain de loco. Le 11, enchaîné, amenez-moi des putains de gogo. Ta vie sans KDP, c'est qu'une putain de GoPro. Nos vies sont des films, nos jeux sont des GoPro. Beaucoup trop pilleux pour finir dans ce milieu. Beaucoup trop pilleux peut te punir pour mille. Pourrait être trop de me repentir devant Dieu. Pépère au pilleux, j'espère partir au cieux. Et si on parle franchement, je suis pas le seul fautif. Dis vrai, même quand je mens, je suis pas comme ces fautifs. Toujours dans l'air du temps, pour ça que n'est gros kiff. Qui pour Ramadan fêter les deux possibles. Hier j'ai failli béton, port illégal, métal. Tard qui trahit, c'est con, mais ça forge le mental. Je me donne la force, puis 40 mesures j'étale. Album dans le coffre fort, écrit dans les étoiles. Album dans le coffre fort, écrit dans les étoiles. Et pour tous mes criminels fanatiques, je vais vous donner un année 90 style de refrain, niggas. Ça fait. Yo, plus de 20 ans dans la musique, toujours garder la même éthique. Mon équipe flingue automatique. Ces orcs si psychosomatiques, sache pour zéro défaut ma clé. Goûtez ma shit et arrêtez vos. Marcher puis à m'auto-briller. Toujours la passion du son, garçon, on n'est pas prêt de plier. De toute façon, on va enquiller. À fond, nos parents ont prié. Une bulle d'MC qu'il n'y a de mégots de cigarettes dans ton cendrier. La nocturne. Zoxy cool shit, flex tabou. Lotco remix. Remix. Ouais, tout toujours de boucan, faut faire du boucan ou les emboucaner. Les emboucaner. Les girer les cuisses de ma mise, cause en mesure du poulet boucaner. Meilleur rappeur de l'année, depuis 80 et j'ai le flow. Fuck, non, n'avez pas testé, Zoxico. Bah, tu rassages, je m'adresse au Paco. Black, on m'a plus hâte qu'un soldat slow. Fuck, jamais eu peur de tomber, de tomber. Au pire, je me relève, nique ta relève, j'fais mon blé, j'fais mon blé. A chaque fois que j'pose comme un champion sans combler. Merci Jésus, à leur tentation, jamais succomber. Mais qu'est-ce que tu peux faire, soldat? Conforme à pipe, poche combine. Tu vois pas, non, qu'on fait soldat. T'en as dit ton best accompli. J'ai largement passé là. Tout entendre me dire, toi et ta bande de cas. C'est dans un stand de tir que vous vivez, imbibé par la violence de la cité. Tu peux kicker la vérité, la travestir, c'est nous niquer. J'ai bien compris que tu dois vendre des disques. T'es prêt à bluff donc pour pouvoir prendre du bif. Je suis un soldat, t'es mort ou quoi? T'es mou, t'as l'air endormi. Soldat, t'es mort ou quoi? Dis-moi, c'est où la sortie? C'est où la sortie? Si tu dors pas, dis-moi pourquoi je suis le seul à faire du bruit. Si tu dors pas, montre-moi comment ça bouge ici. Comment ça bouge? Montre-moi comment ça bouge. Comment ça bouge? Montre-moi comment ça bouge. Comment ça bouge? Montre-moi comment ça bouge. Si tu dors pas, dis-moi pourquoi je suis le seul à faire du bruit. Forme un peu. Montre-moi comment ça bouge. Je suis seul à faire du bruit. Montre-moi comment ça bouge. Je suis seul à faire du bruit. Yo, je me place, fils, place à l'artiste. Vous êtes factice, vous portez malheur. J'active le flow, forme ma bise. Vous êtes hors piste, Schumacher. Tu me connais, je me le paquet, toujours au taquet. Je colle au guitare, Freud dans saquet. On peut pas te saquer, mais on peut te maquer, claquer, tacler. Casedo X, K2B, Loco City et F le X. Flow ou arrière BMX, ça c'est un putain de remix. Par les années 90, on lâche pas l'affaire, toujours au combat. Pied au plancher, fer, on bombarde. Forme ma bise, fort tous mes sols. Si t'en veux bouger, flex ta bleu. Si disons que si c'est que l'orco est dans le building. Changer, teste ma peu, elle est toxique, je gueule, pousse comme un bodybuilding. J'ai la rime solace, crack, je malasse, ghetto palace, Panam Razzola. J'ai le vainqueur, le show maker, j'suis un hitmaker. Ici c'est Demfrod, hitmaker. For my people, dans le shaker. Oh, oh oui, tant qu'on aura la vibe et le fluent sera la centrale à la sans décalage inévitable, débranle la bine égale afin d'être nab. Basé le hip hop pour nous, c'est inimaginable. Oh oui, Soxy, cool, j'aime flex ta peu. Et l'orco, c'est le crew, un test là. Soldat, t'es mort ou quoi? T'es mou, t'as l'air endormi. Soldat, t'es mort ou quoi? Dis-moi, c'est où la sortie? C'est où la sortie? Si tu dors pas, dis-moi pourquoi je suis le seul à faire du bruit. Si tu dors pas, montre-moi comment ça bouge ici. Comment ça bouge? Montre-moi comment ça bouge. Comment ça bouge? Montre-moi comment ça bouge. Comment ça bouge? Montre-moi comment ça bouge. Si tu dors pas, dis-moi pourquoi je suis le seul à faire du bruit. Montre-moi comment ça bouge. Montre-moi comment ça bouge. Montre-moi comment ça bouge. Je suis seul à faire du bruit. Anciens mais mauvais garnement qui foutent la riate en bas de leur bâtiment. En état délabrement, les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'es un zinc, t'as grandi dans le coin, ça sauvé par le gland. Ce qui nous intéresse, c'est pas ton tiroir caisse, mais le coffre de la queue banc. Question drogue, tu le sasses dans le sud-est. On a l'offre et la demande. Les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'as un malheur, on arrive pile à l'heure, sera sauvé par le gland. Mars. On sort des gardes avant les nargons. On sort du star grâce à Cohen Sabon. On ouvre le punk champ en le sabrant. On lève les bécanes en les cabrant. Des punchlines à tous les cartons. Lunettes sur le gland, je lis sur tes lèvres en les écartant. Braque au studio partout, on est partant. La chatte à Sylvie Vartan. Moi et Bardis, on se comprend, rien qu'en se regardant. Autour du cou, j'ai pas de carcan, que des bijoux clinquants. On ferme les portes en les claquant. On boit pas tout lâchi. Riche ou pauvre, quand on chie, on a tous des yeux de noachi. Ça c'est pour mes jeunes anciens, mes mauvais garnements. Qui foutent la riate en bas de leur bâtiment. En état délabrement, les buts sont en mode écartement. Tu connais notre département. Si t'es un zinc, t'as grandi dans le coin, ça sauvé par le gland. Ce qui nous intéresse, c'est pas ton tiroir caisse, mais le coffre de la queue banc. Question drogue, tu le sasses dans le sud-est. On a l'offre et la demande. Les buts sont en mode écartement.

Rap 100% Explicit Lyrics. Juicy P dans la nocturne. Trop vrai pour rapper le faux. Bloqué dans la fosse au faux. Et je pense au prophète Daniel. Que le Seigneur me vienne en aide. Mangan parle mal, mais en face n'assume rien. Tu veux rien m'apprendre dans le ghetto, je suis un sumérien. Je suis dans le fond du game, du genre sous-marin. Le flow qui tue et poids, tu couches sur un souterrain. Viens pas tester les mecs du souterrain. Et n'oublie pas de te rappeler que sans le souterrain. C'est vrai. Magos, c'est le boss qui parle. C'est vrai. Ses paroles sont courtes et froides. La meilleure façon d'éviter la guerre, c'est que je taille. Pire seconde, aussitôt je suis chaud. Magos, chapeau de paille. Casse des drones, t'as en bye bye. Boom, bidi, bye bye. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. Ouais mes négros sont des terres. On arrive à l'envers, braque la foule, lève les bras en l'air. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. Trop vrai pour rapper le faux. Bloqué dans la fosse au faux. Et j'pense au prophète Daniel. Que le Seigneur me vienne en aide. Si tu merdes pendant le boulot, négro, on te mettra en joue. On sera forcé de te renier comme si tu tapais ça ou. On fera danser la valse à Manuel. Il faut que ces fils de pute nous craignent, mec, comme en Ukraine. Et j'traîne tard le soir, hey. Sipine sur du rhum, damoiseau ou trois rivières. On court les rues, moi et mes partenaires. Je veux utiliser ma parcelle sur la terre, mère. Dans la rue, je suis pas intérimaire. On a perdu du sang, perdu des frères, niqués des mères. Ici, les descendants de Lumumba. Des chaînes de fer aux chaînes en or, on continue le combat. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. Ouais mes négros sont des terres. On arrive à l'envers, bat la foule, lève les bras en l'air. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. On va les faire sauter un peu comme Chris Cross. Trop vrai pour rapper le faux. Bloqué dans la fosse au faux. Et j'pense au prophète Daniel. Que le Seigneur me vienne en aide. Et Dieu bénisse les enfants de la thèse. Les enfants de la diaspora africaine, mon frère. Pour qu'un jour ils puissent le faire en grand, mon frère. Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas non plus les mecs pressés. Prends le temps de faire les choses, ma gueule. Ils ont tracé nos frontières à la règle, mon frère. On est chez eux, on fera ce qu'il y a à faire pour prendre de la maille. S'ils veulent nous barrer la route, on les fera sauter comme Chris Cross. Tout simplement. Tiens. MC BGC, la famille, s'il te plaît. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Nocturne avec Bison, Limitless maintenant dans la nocturne. Blood music, blood music. Acte 4, acte 4. Limitless, FOST, Général, CHS. Je m'en bats les couilles des embrouilles de tes papas les rappeurs. Depuis quand Jobis doit valider les rappeurs. T'as rien pour moi, laisse-moi faire mes euros. Négro, t'es chelou, va là-bas jouer tes héros. Égo démesuré, tu crèves là où je vis. T'as une grosse équipe, t'inquiète pas de soucis. Mon crew, mon clan, mon possi, le trou, le ciment, les soucis. À cette heure-ci, je marmite, je ne connais pas mes limites. Le rap ne milite plus, il se prostitue. Les MC ne m'intéressent plus, non plus de face que tu. Qu'est-ce que tu vas devenir sans ton shit? Qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire si tu cherches ma clique?

chier des gaves assurés des schlasses. Même pas avant mesure, t'es pris de frissons. Mec, on tient les murs et nique la prison. J'ai vendu de la dure, j'ai fait des missions. Les grands de VLT me coffraient des litrons. J'étais le guise de la cave. Je connais le vice et la cam. On veut plus trimer sa race. On veut du bif et de la chatte. Je répète, j'étais le guise de la cave. Je connais le vice et la cam. On veut plus trimer sa race. On veut du bif et de la chatte. Oui, j'ai dealé de la frappe. Viens plus chaud ma petite gueule. J'encule la trappe dans ma zone à Villeneuve. Un contre cinq, nique sa mère, je suis single. Cinq albums et toujours pas des singles. Oh. Et c'est la fin de la nocturne avec le son de Gizmo. Gizmo, il débarque lui dans une semaine dans Planète Rap avec son album qui sortira le 15 décembre dans ma ruche. C'est fini pour la nocturne qui s'est ouvert d'une façon musclée avec le XV Barbare ce soir dans la nocturne. Passez une bonne nuit. Prochain rencard avec Planète Rap, c'est dès lundi avec Jules, notre ami marseillais 2021. Et puis prochaine nocturne, ce sera dans une semaine. Ciao. Skyrock, Rap R&B en premier. Rap R&B.